Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous, consacrée ce soir à un magazine santé avec mon partenaire habituel Jean et puis Étienne Géant, le docteur Étienne Géant. Il faut quand même leur donner le titre quand même hein, de médecin. On va parler aujourd'hui dans ce magazine santé des perturbateurs endocriniens. Je crois que c'est d'actualité à plusieurs titres. Hein. La première, c'est qu'on est quand même dans une période, j'allais dire, préélectorale. Hein, et que forcément, les décisions européennes par rapport à certains pesticides, en particulier, a des influences, bien sûr, sur l'environnement, sur la santé en France. Et puis de plus, il y a toute une campagne aujourd'hui des coquelicots qui popularise en quelque sorte cette campagne contre les pesticides, dont les perturbateurs endocriniens. Hein, parce que si vous le voulez bien, on va commencer par la définition de ce qu'est les perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas qu'est-ce qui commence, Étienne. Il y a plusieurs définitions. Il y a celle de l'OMS, il y a celle de l'Union européenne. Je vous ai choisi la plus courte. Ce sont des substances étrangères à l'organisme qui produisent des effets délétères sur l'organisme ou sa descendance à la suite d'une modification de la fonction hormonale. Alors, il faut déjà qu'on définisse ce que c'est que la fonction hormonale. Parce qu'un perturbateur endocrinien, il faut savoir ce que c'est que... Qu'est-ce qu'il perturbe ? Alors, le système endocrine, c'est un système assez complexe. Il y a beaucoup de glandes endocrines. Je ne vais pas faire un cours d'anat ni de physiologie. On va peut-être en cibler quelques glandes que tout le monde connaît. Tout le monde a entendu parler de la thyroïde. Dans les Vosges, on a tous quelqu'un qui a des problèmes de thyroïde. Ça vient du fait qu'il n'y a pas assez d'iode dans l'eau. Donc on connaît tous la thyroïde. Alors la thyroïde, c'est une glande endocrine. Et cette glande endocrine peut être perturbée par certains agents extérieurs. Et ces agents extérieurs sont donc les perturbateurs endocriniens. Voilà ce que je peux dire sur la définition. On peut s'étendre, on peut parler du système endocrinien de manière plus précise, oui. Mais je vais peut-être passer la parole à Jean à ce niveau-là. Oui, un autre exemple de système endocrinien, ce sont les glandes endocrines, les testicules et les ovaires qui participent à la reproduction. Et la perturbation de ces hormones sexuelles qui agissent sur les tissus périphériques, sur des récepteurs bien particuliers, peut générer des cancers, par exemple. Il y a des cancers hormonodépendants. Si on augmente le taux d'œstrogène artificiellement par un perturbateur qui... Tu as pu le constater au cours de ta carrière ? Ah, mais c'est prouvé que le cancer du sein, par exemple, est pour une partie hormonodépendant. Hein. C'est quand même quelque chose d'un fait prostate important. Aussi. La prostate, oui, avec c'est chez l'homme la prostate effectivement qui dépend des androgènes quoi. Et les produits qui ont un effet toxique sur ces glandes-là modifient les taux d'hormones, modifient le métabolisme ou la durée d'action des hormones, ou ont des effets inhibants. Inversement, ou bloque les récepteurs, ou active de manière définitive et trop importante les récepteurs, ce qui donne des déséquilibres hormonaux qui peuvent donner des cancers hormonodépendants. Quand tu parles de récepteurs... Oui, c'est-à-dire que, par exemple, chez la femme, l'ovaire fabrique des oestrogènes, hein, qui est une hormone féminine, hein, et ces oestrogènes ont comme récepteur, par exemple, le sein. Et ils sont à l'origine du développement du sein, qui est une glande qui dépend des oestrogènes. Et une imprégnation oestrogénique trop importante ou déséquilibrée ou trop persistante peut entraîner des cancers du sein. C'est un exemple. Hein. Donc, on accuse quelquefois la pilule. Oui, c'est la pilule, il faut être très prudent, donnerait une très très légère augmentation de risque de cancer du sein. Très très légère. C'est de l'ordre de 1,1 par rapport à la population dont le risque relatif est de 1. C'est très faible. Hein. Et c'est pour ça que c'est pas le facteur unique de cancérisation. Hein. Il y a des cancers familiaux, du sein, qui touche par exemple 60% de la descendance d'une femme, par exemple. Et chez certaines personnes, n'en font pas, puisqu'il y a 40% qui n'en font pas. Mais si on est dans un environnement hormonal déséquilibré, on peut aboutir plus facilement à ce type de cancer. Je voudrais dire que par rapport aux perturbateurs endocriniens, la pilule est sécrétée par les urines. On avale la pilule, elle est active sur les glandes endocrines, chez la femme sur l'ovaire. Ensuite, elle est éliminée par les urines. Ces urines-là, on les évacue dans les toilettes. Ça passe dans une station d'épuration qui n'y touche pas. La station d'épuration est incapable de dégrader les résidus hormonaux. Ça passe dans les rivières. C'est pompé à Nancy ou à Metz, si on prend la Moselle, dans des stations d'utilisation d'eau potable, de potabilisation de l'eau. Oui. Et c'est distribué au robinet. Oui. Or, il y a toujours des résidus hormonaux et d'autres médicaments dans les eaux que l'on pompe en aval. On peut les déceler, mais on ne sait pas les détruire. Puis on ne les cherche pas. Et en fait, ce sont des perturbateurs endocriniens. Les résidus de médicaments et de pilules sont des perturbateurs endocriniens. Puisque ce sont des hormones. Voilà, naturels, mais des perturbateurs endocriniens. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans les plantes. Les germes de blé, le soja et le houblon. Quand on boit de la bière, on boit des perturbateurs endocriniens. Bon, il faudrait déjà en boire beaucoup. Je pense qu'on aurait une cirrhose avant d'avoir des perturbations. Mais si on veut être au strict sens du terme, le houblon est un perturbateur endocrinien. Le soja contient une hormone... phytoestrogène. Voilà, qui ressemble aux œstrogènes. Bon, il faudrait déjà en manger. Il faudrait qu'un garçon en mange énormément pour avoir des seins. La sauge. Il y a plusieurs... C'est des hormones naturelles, mais qui perturbent effectivement le système des endocrinien. Des phytohormones, oui, c'est ça. Et pour revenir aux pilules... L'hormone de quelle nature? Des œstrogènes? Les plantes, c'est souvent des phytoestrogènes. Oui. Phytoestrogènes. Oui. Et pour en revenir aux eaux contenant des hormones de pilules, on les retrouve en quantité importante dans le Rhin et dans les fleuves, à tel point que les harengs en mer du Nord peuvent être bisexués. Moi qui suis un vieux pêcheur à la ligne, j'adorais le hareng et j'aimais bien regarder ce qu'il y avait dans le ventre. Et on trouvait les deux types de gonades, à la fois ovaires et les œufs. Sur les harengs. Donc les poissons peuvent changer de sexe. Alors justement, tu me demandais si on pouvait savoir s'il y avait des hormones dans les eaux. Justement, un des tests, c'est de regarder certains amphibiens pour savoir comment ils évoluent. Et suivant l'évolution du sexe des amphibiens, on sait s'il y a beaucoup d'hormones ou pas. L'effet biologique direct sur l'animal. C'est un test, effectivement. Oui. D'accord, on n'en parle plus finalement. Oui, mais c'est... De temps en temps, des revues spécialisées ou des écologistes ou des spécialistes de l'eau en parlent. L'évolution des amphibiens, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on en parle. Mais véritablement, ça reste dans un milieu assez confidentiel, non? Ça ne fait pas la première page de Vosges Matin, c'est sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, là, c'est des... C'est des oestrogènes, enfin, c'est des perturbateurs endocriniens qui sont la plupart d'origine naturelle. La pilule, non, c'est pas le cas. Non. Mais si on veut parler des perturbateurs endocriniens qui nous entourent de plus en plus dans notre vie... Oui, d'où viennent-ils ? Alors, c'est fabriqué par l'industrie chimique. C'est dans les solvants, c'est dans les mousses, c'est dans les cosmétiques. Enfin, je pourrais vous citer les noms après si vous voulez, j'en ai une liste. Oui, on est là pour ça. C'est dans les tapis de sol, dans les pesticides, bien entendu. Et là, c'est assez important. Donc tout ce qui est de la pétrochimie produit beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et utilise des perturbateurs endocriniens. Il utilise certaines molécules, dont les phtalates. On en a beaucoup parlé des phtalates. Ça a fait la première page des journaux à une certaine époque. Oui, parce qu'on en a retrouvé dans les biberons. Donc ça a fait la première page des journaux il y a 2 ou 3 ans. C'était interdit d'ailleurs depuis, le phtalata. Oui. Mais disons que... Et c'est ce qu'on appelait le bisphénol. Le bisphénol, voilà, c'est ça. Le bisphénol A. Et en fait, ces produits-là, ce sont des additifs au plastique. pour les rendre plus souples, pour les rendre plus ci, plus ça, enfin, pour leur donner des qualités qu'ils n'auraient pas eux-mêmes, dans les adhésifs, etc. Et ça, on en est complètement entouré. Ici, il y en a. Oui, oui. On les respire, on les touche. Oui, par exemple, les panneaux de particules. Oui, les câbles, même leurs vêtements, là. Les câbles électriques. Les câbles électriques pour assouplir les plastiques. Il y a du bisphénol. On a quelquefois accusé le talc. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Je ne suis pas au courant que le talc soit... Il y a eu une polémique il y a un certain temps, mais c'est le talc morange. C'était l'hexachlorophène. Oui. Ah oui, d'accord. C'était un produit qui était associé au talc. Oui. Est-ce que le talc, c'est une pierre? Bah oui. C'est un minéral? C'est un minéral, bien sûr. Enfin, ça ne veut pas dire parce que c'est un minéral qu'il n'y a pas de perturbateurs. Hein. On en trouve dans les végétaux, donc... Alors, où trouve-t-on ces perturbateurs endocriniens? Bon, on a commencé à faire un inventaire, mais je crois qu'il faut quand même le compléter, parce qu'il y a eu des dossiers en particulier de l'Union fédérale des consommateurs, dont j'ai fait référence dans les dossiers consommation en particulier, où il y avait toute une liste, bien sûr, de produits nocifs, dont les perturbateurs endocriniens. Oui, on en trouve donc surtout dans les pesticides, il y en a. Hein. Et puis donc beaucoup de produits, comme Étienne a parlé, les plastiques d'origine, la chimie organique pétrolière. On parle aussi des retardateurs de flamme. Oui, tout ça. Dans les mousses, des sièges de voiture. Les mousses de sièges de voiture contiennent des retardateurs de flamme qui sont des... Et le canapé domestique. Des bromés, des substances polybromées, etc., qui ont des effets... De perturbateurs endocriniens, effectivement. Oui. On parle aussi du E171, c'est-à-dire le dioxyde de titane. Alors ça, c'est encore autre chose. Je connais pas. Enfin, tu connais mieux peut-être l'action du dioxyde de titane. Colorant rouge. Il existe sous forme chimique où il n'est pas trop, à la limite, trop dangereux, mais sous forme de microparticules, il est extrêmement dangereux puisqu'il il reste dans l'organisme et il peut être stocké dans le cerveau en particulier. Donc, à une époque où les maladies neurodégénératives augmentent, on se pose la question. Voilà. Et il est utilisé aussi beaucoup en confiserie. Simplement pour rendre les bonbons plus brillants, plus lustrés, etc. Donc il n'a pas un effet important, à part l'effet esthétique et un effet, commercial. Le même bonbon qui n'aurait peut-être pas cette couverture-là se vendrait moins. Mais il est fort question de l'interdire. Oui. Mais au moment où on a quand même de gros doutes, ou même plus que des doutes sur certaines substances, il serait peut-être important de choisir des produits, je dirais, plus sains et supprimer ces additifs qui n'apportent finalement rien au produit, à part le faire vendre. Voilà. C'est un petit peu... Alors, les effets sur l'organisme, on les a déjà décrits, mais finalement, ça peut générer n'importe quel type de cancer à long terme. Ah, il n'y a pas que les cancers. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les cancers, il n'y a pas tous les cancers. Oui. Il y a des troubles cognitifs aussi. Oui, voilà, les maladies neurodégénératives, effectivement. Des troubles sur l'intelligence, sur la mémoire. Et puis, par exemple, est-ce que ça a une influence sur la maladie d'Alzheimer? Vraisemblablement, mais ce n'est pas encore prouvé. Mais disons que où c'est été prouvé, c'est plutôt chez le développement de l'enfant. Oui, on sait que les agriculteurs font beaucoup plus, par exemple, de maladies de Parkinson. Parkinson. Ça pourrait être lié aux pesticides. Ça pourrait. Parce qu'on est un petit peu cerné. Hein. Il y en a partout. Donc faire la preuve de l'absence d'imprégnation par rapport à des gens qui auraient une imprégnation ou une exposition, c'est quasiment impossible puisque nous sommes tous soumis un petit peu à ces produits-là. En fait, certains cancers sont plus fréquents chez des agriculteurs, des cultivateurs. Et lymphome. Oui, et lymphome dans notre quinia. Mmh. Oui, effectivement. Oui, oui. C'est connu, ça. Et puis, il y a des effets sur la fonction de reproduction, des infertilités, des stérilités. Ah, c'est fréquent. Et on peut se poser la question, enfin c'est une question, je ne l'affirme pas comme un fait établi, mais on sait par exemple que le nombre de spermatozoïdes chez l'homme diminue régulièrement. Dans les pays du Nord, quoi. Mais chez nous aussi. Ça a diminué d'au moins à moitié en une vingtaine d'années. Pays du Nord et au nord de la Méditerranée. En une vingtaine d'années, quoi. Au sud, en Inde, c'est pareil. Hein. Oui, oui, oui. C'est pire. Et c'est puis, pire. Ah, oui. Et puis des effets sur le fœtus. Parce que ces produits à effet hormonal ont peut-être des effets peu importants chez des personnes âgées ou d'âge mûr, mais on peut avoir des effets extrêmement graves chez un fœtus qui est extrêmement réceptif, qui est en pleine croissance, dont les récepteurs, par exemple, hormonaux, sont extrêmement sensibles et très prêts à fonctionner sur des organismes en croissance et en développement. Et ça se traduit par quoi ? Ça se traduit peut-être par des retards de croissance, de la prématurité, mais surtout des malformations. On cite par exemple une augmentation très importante des malformations chez le garçon, de ce qu'on appelle des hypospadias, des ouvertures anormales du méa urinaire sur la face inférieure de la verge, des micropénis, des cryptorchidies, c'est-à-dire que des testicules qui ne sont pas en place, autour de la région de Montpellier. Et ça a été, il y a des registres de tératovigilance qui ont montré ça. Et c'est dû certainement à l'agriculture intensive. On parle de la riziculture, on parle de l'arboriculture. L'arboriculture. Oui, j'étais particulièrement impressionné par un film qui s'intitule « Nos enfants nous accuseront ». Et dans ce film-là, justement, en préambule, on voit le paysage des Cévennes, avec en premier plan des arbres fruitiers en fleurs. Et puis d'un seul coup, un cultivateur, un arboriculteur, comment on peut dire ça, sur son tracteur, avec déguisé en martien, littéralement, puis un grand nuage de pesticides. Oui. Alors on dit quelquefois que les pommiers, par exemple, les pommes... On a le privilège d'avoir plus de 20, voire 30... Jusqu'à 60 traitements. Jusqu'à 60 traitements. Jusqu'à, oui. C'est extraordinaire. Oui. Et on dit également que pour enlever les pesticides résiduels dans les pommes, il faudrait enlever un centimètre d'épaisseur des pommes, et encore. Oui. Tous les pesticides ne sont pas perturbateurs endocriniens, mais c'est vrai que les pesticides, on en consomme 60 000 tonnes par an en France. Oui, puis malgré la volonté des pouvoirs publics, hein, je crois que c'était Ségolène Royal, à un moment donné, qui avait voulu faire un plan phyto pour diminuer de moitié les pesticides, on continue à augmenter leur consommation, apparemment. Ben oui. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur les pesticides, c'est que les anciens pesticides, comme le DDT, là, il s'est prouvé que c'est un perturbateur endocrinien. Il est interdit depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. 40 ans. Mais le problème, c'est que dans les ours polaires, on retrouve du DDT. Il est rémanent. Il est extrêmement rémanent. Donc, il voyage et il dure longtemps. Ah, oui. On retrouvait du DDT, dichlorodiphényline, trichloroéthane, je crois, c'est la composition chimique, qui est extrait des chlores, apparemment. Oui. Extrait des chlores, donc on a retrouvé, paraît-il, jusque dans le lait maternel. Ah ben oui, oui, c'est sûr. Dans les cheveux, dans le lait maternel. Dans les cheveux, dans bien les cheveux, sûr. On est tous un petit oui, peu... Oui, les cheveux sont un... Un témoin. Un témoin. Un témoin. Un témoin, de, justement, de tout ce qu'on peut absorber. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits agissent différemment selon qu'on a une intoxication, je dirais, relativement aiguë. Ou des intoxications chroniques à très faible dose. Elles agissent différemment, on a vu, selon l'âge, selon la sensibilité. Les femmes enceintes, les jeunes enfants sont beaucoup plus sensibles à ce genre de produits. Alors, une question, puis, Jean. Oui. Quand tu examinais tes patientes, quand tu recevais en consultation des patientes, est-ce que tu préconisais des régimes alimentaires, ou du moins tu leur demandais d'éviter certaines substances. Il y a au moins des substances que je leur demandais d'éviter, c'est les cosmétiques. Ah oui. Ça n'est pas d'une utilité fondamentale, à mon sens, si tu veux. Et la peau est un excellent moyen d'absorber beaucoup de produits toxiques. Et je crois que 80% des cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens. C'est important. Donc je leur demandais ça de le faire. Et je crois que la HAS l'a dit une fois, parce que... à une seule reprise, et puis silence. On n'a plus jamais parlé. Je suppose que les lobbies ont peut-être joué un petit peu leur rôle. Sans doute. Là encore, il faut citer l'Union fédérale des consommateurs, que choisir, qui a véritablement une application d'ailleurs pour connaître justement Le degré de risque. Il y a des parabènes dans toutes les crèmes. Oui. Les parabènes sont. Je croyais que les parabènes commençaient à être interdits. Non, c'est pas le cas. Dans 80% des cosmétiques, il y en a, je crois. Ah oui, d'accord. À tel point que ceux qui n'en ont pas en font une grande publicité maintenant. Disent sans parabènes. Mais on le retrouve de plus en plus, sans parabènes. Voilà, ça commence à rentrer dans les habitudes. Alors, quelle était l'influence exacte de ces parabènes? On connaissait véritablement? Ils sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, de pouvoir donner des malformations fœtales, des choses comme ça. C'est que suspecté, parce qu'on est un taux de malformation fœtale qui est de l'ordre de 3 à 4 pour 1000 en France, qui est très faible. Et prouver qu'un produit... peut-être incriminé, c'est extrêmement difficile. Il faudrait des nombres considérables de cas. C'est statistiquement très difficile à démontrer. Sans parler, bien sûr, des effets cocktails. Voilà. Oui. On ne connaît pas les effets cocktails, les mélanges tout à fait... Et puis, c'est quand même inquiétant, puisque... D'ailleurs, dans une émission, il y a quelque temps, l'IA y participait. On fait un petit coucou à Lila, elle est partie à côté. Et puis un grand bonjour à Christopher qui assure la technique de cette émission aujourd'hui. Les journalistes de l'Union fédérale des consommateurs, que choisir, avaient été complètement médusés par le fait que les femmes utilisaient environ 30 cosmétiques différents par jour. Par jour, oui, oui, oui. Finalement, j'avais plusieurs éléments féminins autour des micros. Et puis, il y en avait deux qui m'ont dit, nous, on n'utilise pratiquement pas de maquillage, très peu de produits cosmétiques. Puis il y a qui dit, c'est à peu près ce que j'utilise tous les jours. Et c'est une moyenne française. Donc, c'est énorme. Mais c'est vieux comme le monde. Hein. Les Romains, les Égyptiens se fardaient, les femmes se fardaient avec des sels de plomb, des choses extrêmement... Même des sels de plomb. Mais extrêmement toxiques. Hein. Il faut souffrir pour être belle. Oui. Oui, mais quand on met sa vie en danger... Oui. Enfin bon, les Égyptiens, ils ne savaient pas. Mais je veux dire que maintenant qu'on sait, on a quand même intérêt à prendre toutes les précautions possibles. Et c'est un exemple d'imprégnation chronique, ouais, dont les femmes peuvent au moins peut-être se passer en partie. Ça attaquait les centres nerveux, le plomb. Ça pouvait donner des problèmes de saturnisme, oui, effectivement. Ouais. C'est des problèmes hématologiques, hein, surtout. Ouais. C'est au moins quand les femmes sont enceintes, c'est une hygiène de vie un petit peu différente. Ouais. Et ces produits, on les retrouve dans l'alimentation aussi, hein, tous ces produits potentiellement dangereux, puisqu'ils sont issus de l'agriculture. L'agriculture nous fournit à manger. On en absorbe tous les jours. Oui, tous les jours, certainement. Les fruits et légumes ont beaucoup d'avantages, par ailleurs. Hein, c'est quand même une hygiène alimentaire considérable. Mais on aurait peut-être intérêt, à diversifier les sources. À manger bio, c'est ça. À manger bio, et puis Est-ce qu'on est sûr que les produits bio sont exempts de... Un produit bio, c'est un produit qui reçoit moins de produits. Oui. On est sûr qu'il en reçoit moins parce qu'il obéit à un cahier des charges rigoureux. Bon, il y a eu un dossier sur le canard enchaîné il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là qui est fort intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend? C'est que, bien sûr, les gens qui suivent de manière très précise le cahier des charges sont des produits relativement bons, relativement excellents. Mais il peut y avoir des passe-droits, il peut y avoir, comme partout, des choses qui ne se font pas comme elles devraient être faites. Mais même l'argument qui dit « mais je n'achète pas du bio », enfin, c'est un argument que j'ai entendu, « j'achète pas du bio parce que de toute façon, le blé qui est cultivé à côté, il est arrosé par des tas de pesticides, donc si moi j'achète du bio, j'achèterai plus cher un produit qui est aussi contaminé ». Mais même s'il est contaminé, il est moins contaminé. Beaucoup moins. Quand on arrose directement, on met une dose plus importante que quand il y a juste les effets secondaires, enfin le nuage envoyé par le vent qui va arroser un petit peu le champ d'à côté. C'est quand même complètement différent. C'est complètement différent. Et puis c'est de faire, je dirais, c'est un acte citoyen de favoriser l'agriculture biologique. Si on veut que les choses changent, il faut que le consommateur change aussi son mode de consommation. Si vous consommez du bio, vous favorisez des agriculteurs peut-être plus respectueux de la nature. Tout à fait. Et je pense que si on leur donne leur chance, qu'on achète même un petit peu plus cher les produits, mais ça, c'est vrai que c'est un problème. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont extrêmement motivés et je crois qu'il faut les favoriser. Tout à fait. Ouais. Oui, bon, je pense quand même. On va à la deuxième partie de cette émission, parce que le temps tourne vite. Après une pause musicale, donc on va aborder justement le sujet. Comment éviter manger simple, s'habiller simple, pourquoi pas. Et puis bien sûr, éviter certaines substances qui n'apportent pas grand-chose, sinon un peu d'esthétique. Ici et là. Comment éviter ça? On va l'aborder, mais après une pause musicale. Merci, Christopher. Tomber du ciel à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive. En amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage. Ancien tueur à gage, comment peut-on tomber plus tard? Tombée du ciel, rebelle aux louanges, chassée par les anges paradis originel. Tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard se relever indemne et est retombé, amoureux, tombé sur toi, tombé en pamoison, avalé la ciguë, goûté le poison qui tue l'amour. L'amour encore et toujours. Alors la discussion restait vive entre nos invités par rapport aux perturbateurs endocriniens, mais pas seulement. Hein, on parlait aussi de la résistance aux antibiotiques à cause de la médecine vétérinaire qui a beaucoup distribué, on pourrait dire, d'antibiotiques dans l'alimentation animale. Pas seulement. Pour soigner aussi. Oui, oui, bien sûr. Et puis pour favoriser la croissance. Hein, pour, entre autres. Ah, disons que si on veut parler des antibiotiques, mais c'est un petit peu hors sujet, disons que le problème des antibiotiques, c'est qu'on les retrouve encore dans l'eau, comme les hormones. Et le problème des antibiotiques, ce ne sont pas des perturbateurs endocriniens, mais il y a une autre conséquence à l'utilisation des antibiotiques que tout le monde connaît, à part le slogan « l'antibiotique, c'est pas automatique ». C'est pas automatique. Parce que, en fait, les antibiotiques créent des résistances. C'est-à-dire que les bactéries qu'on est censé tuer avec les antibiotiques, arrive à créer des défenses et elles ne sont plus. Enfin, les antibiotiques ne sont plus efficaces. L'antibiotique ne tue plus la bactérie parce qu'elle a su se défendre, elle a mis un bouclier. Oui. Donc il faut qu'on trouve d'autres antibiotiques. Et les autres antibiotiques sont toujours un peu plus chers, toujours un peu plus toxiques. Et on arrive maintenant au fait qu'on ne trouve plus assez d'antibiotiques. Oui. On ne trouve plus. On est au bout de la recherche. Et on a un capital d'antibiotiques. Et avec ce capital-là, il faut qu'on arrive à tuer toutes les bactéries qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui donnent des maladies. Donc il faut les utiliser à très bon escient quand il y a un risque important infectieux, vital ou de maladies graves. Mais il ne faut pas les galvauder comme ça. Sinon, ils seront plus efficaces. Voilà. Là encore, je cite Que choisir, hein, mais aussi un article dans Libération hein, où on se posait la question même de... La survie de l'espèce humaine, parce que si effectivement cette découverte capitale du XXe siècle sont les antibiotiques, deviennent inopérants, on peut quand même craindre le retour d'épidémies gigantesques. Oui, mais enfin bon, l'espèce humaine a vécu sans antibiotiques pendant très longtemps. Oui, oui. Mais avec beaucoup de maladies bactériennes. Une mortalité beaucoup plus mortalité précoce, quand même très importante, surtout chez les jeunes enfants. Oui, oui. Nous devons certainement... faut pas nier... cracher sur tous les progrès, parce que nous sommes quand même le fruit de cette civilisation. Et si nous sommes encore vivants à nos âges un petit peu avancés, c'est aussi grâce à la médecine et aux produits... Tout à fait. Aux produits d'hygiène, produits... ça a apporté beaucoup de progrès. Même les conservateurs dans l'alimentation, même s'ils peuvent avoir des effets toxiques, ils ont supprimé des toxi-infections alimentaires redoutables. Je pense au botulisme, bien sûr. À des infections graves, quoi. Donc il faut... Et puis, équilibrer tout ça. Il faut équilibrer. Et puis même pour les pesticides... C'est l'excès, c'est le trop... C'est la mauvaise utilisation. Oui, les pesticides, Néandertal, il y avait 10 000 Néandertaliens sur la Terre, à peu près. Nous sommes 7 milliards d'individus, il faut nourrir tout le monde. Donc, et c'est vrai que quand tu fais un petit peu de potager, tu t'aperçois que... Bon, c'est pas grave si tu perds tes salades, mais pour un agriculteur, c'est sa vie, oui. C'est sa production, c'est nourrir la population. Et il faut leur trouver des techniques, je dirais, alternatives aux pesticides qui permettent de continuer de cultiver et de nourrir la population. Quoi. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais... Oui, mais enfin, ces techniques-là, on commence quand même à les appréhender. Oui, voilà. L'agroforesterie, l'agroécologie, ça existe. Ça doit se développer. Ça donne des bons résultats. Il faut trouver les techniques, il faut expérimenter et il faut surtout ne pas être sensible aux lobbies qui continuent de dire « ne vous cassez pas les pieds ». Je vous donne des graines sélectionnées et les pesticides qui vont avec. Enfin, je vous donne. Je me souviens d'une conférence avec avec Monsieur Dufumier. Marc Dufumier, oui. Marc, oui, je cherchais son prénom, justement. Très bien expliqué ça, oui. Lors d'une assemblée générale des amis du Laos, oui. et tu avais donc Étienne demandé à Marc Dufumier de décrire un petit peu, enfin de parler d'agrobiologie et Marc Dufumier estimait qu'on pouvait quand même nourrir 9 milliards d'individus sur cette planète. 9 milliards, c'est à l'horizon combien, 2050? Quelque chose comme ça, oui. Hein, à moins que, bien sûr, il y ait des épidémies ou des guerres qui limitent le nombre d'habitants sur cette terre, malheureusement. Donc, on peut penser quand même que l'agriculture telle qu'on l'a imaginée jusqu'à présent, c'est-à-dire une agriculture extensive, productiviste, n'est pas la solution non plus pour nourrir l'humanité. Oui, mais je crois aussi qu'il faut essayer de cultiver des plantes alimentaires dans leur région d'origine, dans leur écologie d'origine. Vouloir transposer à tout crin certaines plantes qui n'ont rien à faire dans nos pays pour les cultiver, beaucoup de plantes sont importées. Hein. Je dirais le maïs, la tomate sont des produits qui viennent d'Amérique du Sud. Le riz vient d'Asie. Oui, mais enfin, le riz en Camargue, c'est adapté quand même. Mais à quel prix aussi? Justement, peut-être avec beaucoup de... Enfin, ça, je ne peux pas dire. Je ne suis pas spécialiste en agronomie. De produits phytotoxiques. Mais je voudrais donner une information. Oui. Elle est toute fraîche. C'est de ce matin, enfin d'hier soir que ça s'est fait. Marc Dufumier va revenir à Épinal le 27 novembre. Au cours du festival Grand Angle qui est organisé par la Fédération des œuvres laïques. Donc dès maintenant, je peux annoncer que Marc Dufumier fera une conférence sur ce sujet le 27 novembre. Il est passionnant. Je vous invite à y venir. Ça, c'est la première chose que concret, je voulais dire. Très concret, très passionnant. Oui. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec Jean que les progrès nous ont amenés à ce qu'on est maintenant. Il ne faut pas dire le contraire. Mais je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus intelligent dans notre façon d'utiliser les progrès. Et là-dessus, on a été trop laxiste. Utiliser des ressources naturelles aussi. On n'a pas su réfléchir à bon escient. Et je pense que c'est important. Mais je voulais dire aussi une chose. Par rapport aux grandes épidémies des siècles passés, qui décimaient des tas de personnes, des tas de gens, il faut aussi considérer que l'état d'hygiène et l'état d'alimentaire de ces personnes-là ne sont pas les mêmes que ceux que nous connaissons maintenant. À savoir que on retrouve des épidémies de typhus aujourd'hui dans des camps. Il n'y aura pas la même importance. Enfin, je veux dire qu'on ne va pas tomber tous comme des mouches, comme c'était le cas. Je le pense. Hein. Oui, les épidémies de peste au XVIIe siècle étaient propagées par des puces, en fait. Hein. Oui, par les rats. La puce du rat, etc. On n'a quand même plus trop de rats, où ils sont quand même relativement discrets, et leurs puces ne contaminent pas nos domiciles, quoi, a priori. La grippe reste un problème. Voilà, la grande grippe espagnole qui a décimé des tas de gens après la guerre 14, on pourrait retrouver la même chose, mais heureusement, on a le vaccin. Oui. Heureusement, on a le vaccin. Si on n'avait pas le vaccin, on pourrait retrouver des choses identiques. Des épidémies comme ça, oui. La grippe espagnole qui a tué plus que la Première Guerre mondiale. En 1919, elle a tué plus que la Première Guerre mondiale. Oui. C'était de l'ordre de 6 millions de décès, je crois, en Europe. C'était énorme. C'était aussi un peu un virus. Peut-être aussi la conséquence de la guerre, de la malnutrition, des mouvements de population. Puis de virus particulièrement agressifs, peut-être. Violents, oui. Mais la vaccination est efficace. Même s'il n'est pas efficace à 100%, c'est un bouclier. Oui. Ben je pense que là-dessus, y a pas, ça me semble une évidence. Autant on peut suspecter des tas de choses quant au progrès, autant la vaccination, surtout celle de la grippe, même s'il n'est pas efficace à 100%, plus on prend de l'âge, moins on développe de l'immunité quand on fait la vaccination. Mais je veux dire qu'elle protège quand même. Mais il vaut mieux faire une nécessité absolue de renouveler tous les ans. Il vaut mieux faire une grippette que de faire une grosse grippe qui nous emporte. Oui. Il faut renouveler tous les ans parce que le virus, il mute, il change. Il change tous les ans. Il change d'arme. Donc nous, il faut qu'on mette des boucliers adaptés. Donc vous pensez que les progrès ont été surtout du fait d'une meilleure hygiène, une meilleure alimentation, d'une meilleure alimentation. Oui. Et puis bien sûr, des vaccinations de masse. Oui, et puis aussi, le code du travail a changé quand même. On ne bosse plus à 14 ans, 12 heures par jour. Oui. Ben ça aussi, donc oui. On cesse 4 mois quand même. Oui. Et en environnement toxique, on se protège. Normalement, les agriculteurs... Alors là, c'est peut-être beaucoup plus contestable. Hein, parce que malheureusement... On a quelques notions. Si on ne le fait pas, c'est avec mauvaise conscience. On a encore, au Moyen-Âge, question de se protéger de certains produits toxiques. Mais je pense que c'est un autre sujet, oui. Encore dans ces produits toxiques, il y a forcément des perturbateurs endocriniens. Oui. Est-ce que les produits d'origine chlorée sont des perturbateurs endocriniens? Je vous pose peut-être une colle, là. Je ne suis pas chimiste, hein, je ne peux pas dire avec précision. Il y a, beaucoup de pesticides sont des organochlorés. Oui, les organochlorés, justement. Je ne sais pas exactement s'ils ont... Quelles sont les influences sur la... Quelles sont leurs effets sur le... Là, je sèche un petit peu, là. C'est de la chimie. Comment peut-on se prémunir ? On peut se prémunir aussi de pas mal de choses. Se prémunir de pas mal de choses. Oui. Tout en respectant des règles d'hygiène élémentaire, tout en s'alimentant de manière équilibrée, etc. Est-ce qu'on peut éviter tous ces perturbateurs endocriniens ? Oui, au moins en partie. À domicile, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et il y avait qu'est-ce qu'il faut éliminer, alors ? Un article dans le Monde, je ne sais plus de quand il datait, qui faisait la liste de ces perturbateurs qu'on pouvait éviter dans la maison, tout simplement. On a parlé aussi des panneaux de particules, à un certain moment. Oui, les dalles de sol plastique libèrent des perturbateurs endocriniens. Les peintures, certains enduits. Alors, on dit privilégier les peintures à la chaux, des choses naturelles, des peintures... parce que ça contient des perfluorés et des retardateurs de flammes. C'est les perturbateurs endocriniens potentiels. Potentiels. Les tapis, les moquettes, les rideaux, éviter une moquette. Par exemple, il vaut mieux mettre un parquet. Les coussins avec des mousses, c'est pas terrible non plus. Ça contient des perfluorés qui sont des... Il y a des produits anti-taches, des perfluorés sur les coussins. Si on tâche un coussin, on enlève la housse, on le passe à la machine à laver et on évite peut-être d'utiliser un produit toxique. C'est un exemple. Les appareils électroniques... les fils électriques contiennent des phtalates pour assouplir les fils. Il faut essayer de limiter l'invasion de ces fils. Les solvants, dans les cires à parquet, on peut trouver encore des perfluorés. Donc il faut aérer souvent ces maisons, et éliminer les poussières, faire le ménage et aérer régulièrement. Parce que ces produits ont tendance à s'accumuler. Il faut ventiler. Voilà, ventiler. Alors, on a oublié une chose. C'est certes des polycycliques. Il y a des polycycliques qui sont des perturbateurs endocriniens dans les fumées. Polycycliques aromatiques. Oui, dans les fumées. Mais les fumées de voiture, bien sûr, surtout diesel. Oui. Et puis la cigarette. La cigarette, bien entendu, ça. Non, mais il faut lire, parce que la cigarette a des tas de défauts. Et en plus, c'est ce défaut-là. Dans la cuisine, par exemple, des poêles ou des casseroles avec des revêtements anti-adhésifs contiennent des perturbateurs endocriniens. C'est des perfluorés, c'est ça que c'est aussi le vêtement. Oui, et à base de silicone ou de choses comme ça aussi. Il faut éviter de les gratter. Faut éviter de les décaper ou utiliser des produits sans ce genre de revêtement anti-adhésif. Les emballages plastiques, emballages alimentaires. Quand vous achetez des aliments sous plastique, il y a une migration de perturbateurs endocriniens des plastiques. Dans tous les PVC, il y en a. De l'emballage vers les aliments. Surtout quand on n'est pas sur le micro-ondes. On a beaucoup parlé à propos des PVC. On a beaucoup parlé de l'influence sur la... Sur la plèvre, directement, le cancer de la plèvre. Surtout l'amiante. C'est l'amiante. On a parlé aussi des PVC. C'est possible, ça. Les PVC sous forme pulvérulente ou bien sous forme de... Je voudrais insister sur une chose qui se pratique très, très couramment, c'est de passer au micro-ondes des aliments qui sont contenus dans des emballages plastiques. Ça, c'est très dangereux. Autant vous mettez des aliments dans un emballage plastique, soit vous filmez, c'est pas terrible. Oui. Mais si vous le passez en plus au micro-ondes, il y a une migration, parce que ça réchauffe le micro-ondes. Les molécules sont en mouvement. Donc les phtalates passent directement dans les aliments et après vous les mangez. Alors s'il vous plaît, mettez-le dans une assiette, mettez-le dans un récipient en verre. Voilà. Arrêtez cette pratique. Bien réchauffer l'autre manque au micro-ondes aussi. C'est encore mieux. Ça consomme moins d'électricité. Il y a beaucoup de micro-ondes dans tous les foyers, donc c'est pour ça que j'en parle. Ah, et dans les restaurations collectives, moi je l'ai vécu, j'ai vu ça dans les restaurations collectives, les gens viennent avec leur... Parce que les gens sont pressés. Et puis ils passent ça au micro-ondes dans des sachets plastiques, dans des emballages plastiques. Du point de vue alimentation, il faudrait éviter de manger des poissons gras plus d'une fois par semaine. Surtout les poissons qui sont en bout de chaîne alimentaire, c'est-à-dire qui consomment d'autres poissons, qui ont eux-mêmes consommé d'autres invertébrés, d'autres petites... Pourquoi ? Chaque fois, les substances toxiques se concentrent un petit peu plus. Ah oui, d'accord. Et les produits gras, beaucoup de produits gras sont des réservoirs de stock de produits toxiques. Les dioxines, les PCB, le mercure, bien entendu. Donc on dit surtout aux femmes enceintes, poissons une fois par semaine, pas plus. Les plastiques ? Oui. Les plastiques, les hydrocarbures, puis les plastiques sont issus beaucoup d'hydrocarbures aussi. Ah oui. Mais il y a une alerte mondiale par rapport aux emballages plastiques. Tout à fait. Hein, aujourd'hui, parce que ça devient quand même très, très, très préoccupant, paraît-il, puisqu'on retrouve du plastique dans les crustes, des microbilles de plastique dans les crustacés, l'état d'endroit. Je crois qu'au milieu du Pacifique, il y a un océan de plastique. Oui, sixième continent de plastique. Et qui s'est consommé par la microfaune, par les poissons, etc. Et on finit par les remanger aussi, ces plastiques-là. C'est un petit peu un retour à l'envoyeur. Hein. C'est assez inquiétant. Quoi. Et c'est sous forme de micro-fragments, c'est une vraie purée, je crois. Oui. C'est une purée de plastique. Et quelle peut être l'influence sur l'organisme ? À plus ou moins long terme. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Oui. Il y a des choses qu'on va découvrir dans les années qui viennent. Parce que l'intoxication aiguë, bon, c'est rare. Mais l'intoxication chronique, c'est là qu'on voit les problèmes. Et les perturbateurs endocriniens sont dus souvent à une accumulation. Donc, ça passe à la chronicité. Et ça provoque ce que l'on connaît maintenant par rapport, on l'a dit depuis la première partie de l'émission. Mais ce que ça va provoquer par la suite, on va le découvrir. Oui, en sachant également qu'il est dit, mais vous êtes des spécialistes, c'est pas le cas pour moi-même, entre les premières mutations de cellules et puis l'apparition du cancer, il peut se passer 5, 10, 20, 30 ans. Ah oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qui peut générer, par exemple, l'apparition d'un cancer ? C'est toujours difficile à... C'est multifactoriel. On connaît bien les effets, par exemple, de l'amiante. Ouais. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs de vie, des facteurs, je dirais, le tabac, l'alcool, etc. Des facteurs psychologiques, etc. Aussi. Oui. Le stress, peut-être, pourrait être un facteur déclenchant. Et puis, ces perturbateurs endocriniens qui, au long cours, vont rajouter la petite pierre supplémentaire qui va vous faire tomber dans cette pathologie cancéreuse. Quoi. C'est extrêmement difficile d'attribuer un cancer a une cause précise. C'est ça, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de causes. Mais ne rajoutons pas ces perturbateurs endocriniens ou ces produits toxiques. Essayons de nous en préserver pour... Peut-être approfondir la question, comment qu'on peut les éviter ? On a déjà cité un tas de choses qui produisaient, qui donnaient. Donc si on élimine dans la mesure du possible, dans la mesure du possible... Pour l'alimentation, on a parlé de l'agriculture bio. C'est une réponse. Pour la maison, on peut trouver des peintures, on peut trouver des sols, on peut trouver des choses qui sont exempts de perturbateurs endocriniens. Ça existe. Il y a des productions. Voilà. On peut même des meubles, l'école. Le PVC, par exemple, des fenêtres, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, les fenêtres sont fabriquées en PVC qui a une durée... Qui a une tenue dans le temps, qui a une plasticité qui concourt à rendre ce matériau attractif pour les fabricants et puis pour les utilisateurs. Mais le PVC continue malgré tout à dégager des substances. Des substances. Oui, oui. Même si ça paraît une matière inerte. Oui, oui. Ben, disons que c'est sûr qu'une fenêtre dégagera moins de perturbateurs qu'un contenant plastique qu'on passe au micro-ondes. Hein. Ça, c'est, enfin, moi, ça me... Il y a des gradations. Il y a des choses qu'on ne pourra pas éliminer, mais il y a des choses qu'on peut facilement éliminer. Puis les voies d'administration sont différentes. Hein. Les plastiques ambiants libèrent des substances qu'on va inhaler peut-être par voie respiratoire, alors que l'alimentation, ça passe peut-être par voie... par dose plus massive, par voie digestive. Alors, Étienne, tu évoquais justement l'intérieur des maisons. On a dit quelquefois qu'il y avait 10 fois plus de pollution à l'intérieur des maisons que dans l'air ambiant, en dehors des maisons. Dans certaines maisons, oui. C'est pour ça qu'il faut aérer. C'est pour ça qu'il faut choisir ses matériaux, choisir ses meubles et aérer. Ça ne me semble pas trop compliqué à faire. Puis, si on a des meubles anciens qu'on veut garder, il faut aérer, il faut se débrouiller. Enfin, je veux dire qu'on peut limiter les dégâts. On en respirera, on en mangera toujours plus ou moins, mais on peut limiter les dégâts. Et puis je pense qu'il y a aussi une chose qui me semble, on est en période préélectorale, je pense qu'on a... Il faut que l'Europe prenne des mesures. On a deux cartes dans nos poches qui sont très utiles. C'est la carte bleue, elle n'est pas toujours bleue, mais c'est la carte pour acheter les cartes bancaires, et c'est la carte d'électeur. Nos achats peuvent induire des modifications de production. On achète tous du bio, il y aura plus d'agriculture bio. Si on achète tous des produits sains pour notre intérieur, on arrêtera de produire des produits qui ne sont pas forcément sains. Ça me semble important. Que le consommateur soit conscient de ce qu'il achète. Conscient et informé, voilà. Voilà, ça c'est primordial. Et puis deuxièmement, la carte d'électeur c'est important quand même. Parce que si vous élisez des députés qui sont perméables au lobby, ça ne changera jamais. Alors que si vous élisez des lobbies agrochimiques, par exemple. Oui, tous les lobbies. Si vous élisez des personnes qui sont conscientes du problème et qui veulent défendre une autre alimentation, une autre production, on a plus de chances d'être protégés. Moi, ça me semble important. Oui. Et on a les deux cartes tous dans la poche. Et on ne sait pas toujours bien les utiliser. Bon, la carte d'électeur, c'est plus facile. Mais la carte pour consommer, la carte bancaire, on l'utilise parfois à mauvais escient, sans se rendre compte qu'on se fait du mal. Et qu'on fait du mal à la planète. Et c'est pour ça que les associations de consommateurs, à mon avis, ont un rôle très important à jouer. Pour informer et pour expliquer et pour donner des directions. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire ses courses et puis d'examiner en toutes petites lettres les ingrédients qui composent tel ou tel produit. Il faut lire les étiquettes. Il y a des applications maintenant. Mais il y a des applications maintenant qui sont bien utiles pour ça. Oui, bien sûr. Tout le monde ne se trimballe pas avec son portable rayons. Tout le monde a son portable dans la poche entre les rayons. Oui. Il suffit de le sortir puis de scanner. Les parabènes, qui sont des additifs alimentaires, c'est E214, E219, E215, E218. Enfin voilà, c'est petite liste. Tous les E ne sont pas toxiques. Non. Et puis limiter, on a dit les cosmétiques, les crèmes, il y en a même dans les savons, dans les parfums, dans les shampoings, dans les dentifrices. Enfin, il y a du triclosan dans les savons, les dentifrices, des parabènes dans 80% des cosmétiques, des phtalates aussi. Le rideau de douche. Il y a encore aujourd'hui. Les rideaux de douche contiennent des phtalates. Tu me dis qu'il y a encore 80% de parabènes dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques, oui. Ouais. Mais certaines femmes font une partie de leur cosmétique elles-mêmes. Voilà, oui. Et ça, c'est possible. Oui. On trouve des astuces, on trouve des trucs sur Internet, on explique comment faire le déodorant, comment faire... Il y a des peintres quand même qui sont inoffensifs. Une petite chose, par exemple, aussi, c'est quand vous achetez un vêtement neuf, il faut d'abord le laver. Parce qu'il peut contenir des pesticides qui ont été utilisés pour les cotons, par exemple... On peut s'intoxiquer par voie cutanée. Donc, commencez par laver un vêtement neuf avant de le porter. C'est toutes des petites choses, quoi. Sans être obsédé. Ça renvoie beaucoup à la domesticité, finalement, hein, à une certaine forme de domesticité. C'est-à-dire que dans nous-mêmes, on a quand même de grosses responsabilités en tant que consommateur pour justement boycotter, en quelque sorte... ces produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, mais aussi pour se faire un environnement sain. Bon, on va peut-être s'accorder une pause musicale, hein, avant de conclure cette émission. Arrive au terme de cette émission. Je remercie bien sûr Jean et puis Étienne, et Docteur Géin et Docteur Tisserand, donc avoir participé à ce magazine santé, ce qui avait pour thème les perturbateurs endocriniens. Et puis annoncer quand même que les coquelicots seront devant la mairie d'Ormiremont. Nos amis des coquelicots seront devant la mairie d'Ormiremont. Le 7 à quelle heure? À 18h30. 7 juin, 18h30. Hein. Ça ne pas manquer. Et puis signer la pétition si vous l'avez pas encore signé. Voilà. Les coquelicots, c'est pour justement lutter contre les pesticides. Pour dire qu'on ne veut plus de pesticides, mais des coquelicots. Voilà, exactement. Merci. Merci Étienne. Merci Jean. Et puis bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir et merci.